Alléluia. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Seigneur, bénis-nous à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Something has changed. Is it supposed to be like this? Facing this way. Amen. Luc 3, verset 8. Si vous me permettez, je vais continuer avec mon quiet time. Amen. Ce n'est pas un quiet time d'un jour, pardon. Amen. Ready? Ok. On lit ensemble. Ready, go. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut se susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Let's read together. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule s'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Amen. Hallelujah. I want to read from the Semeur. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention! La hache est sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 10. Les fous lui demandèrent alors, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Si quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. » Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ? N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, » leur répondit-il. Des soldats qui se questionnèrent aussi, « Et nous, que devons-nous faire ? N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. » Amen. Alléluia. C'est powerful. Montrez plutôt, ou let's go back to whatever, Louis, second. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne mettez-vous pas à dire en vous-même, nous avons pour père, Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre. Ah, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 9. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Donc, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Vous ne pouvez pas être inutile dans la maison de Dieu. Tout le monde a une responsabilité. Tout le monde est censé produire quelque chose. Amen. Tous les arbres ne portent pas le même fruit et ne portent pas les mêmes quantités de fruits. Vous pouvez avoir un manguier ou deux manguiers chez vous. Un porte beaucoup de fruits et l'autre porte de temps en temps. Amen. Ce sont des arbres, ils portent des fruits. Amen. Donc tout le monde a sa responsabilité. Alléluia. Ce n'est pas tous les membres de la chorale qui ont les mêmes responsabilités. Ceux qui chantent en solo ont plus de responsabilités par rapport au chant. Si vous n'apprenez pas vos paroles, les paroles de votre chant, vous serez, si vous êtes dans la chorale en général, vous pouvez échapper. Amen. Sauf si vous avez des gens comme moi qui regardent. Moi, je cherche seulement ceux qui ne connaissent pas les paroles. Ça, c'est mon objectif principal. Je regarde, je scanne. Quand je vois, je dis « Aha !» Je dis à LP, l'autre là, il ne connaît pas les paroles. Alléluia. Mais si tu es artiste solo, tu ne connais pas les paroles, tout de suite, on saura. Isn't it? Mais tout le monde a sa responsabilité. Amen. Et si la chorale dépend de toi et tu ne fais pas ce que tu dois faire, tout le monde souffre. Tout le monde doit subir les conséquences. Même chose avec Praise and Worship. Amen. Pour vous, c'est encore pire. C'est comme un groupe de solo artistes. Parce que là, on vous voit. On vous entend. Amen. Tout le monde est derrière un micro. Donc, quand la voix passe à gauche et les autres sont à droite, on entend. Amen. Si vous n'avez pas mangé les bananes avant de venir, ça se ressent. Alléluia. Amen. La Bible dit que la cognée ou la hache est à la base de l'arbre. C'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Amen. Et c'est pas là pour une décoration. C'est là pour un objectif bien précis. Si vous ne portez pas du fruit, et hop, coupez. Down. Pas seulement couper, mais au feu. Alléluia. Si tu ne peux pas servir et faire ce que vous devez faire, Dieu va trouver une autre... Si vous êtes un arbre et vous ne portez pas du fruit, Dieu va couper l'arbre et trouver une autre... Il va t'utiliser pour autre chose. Pour faire le feu. Yeah. Si toi, tu ne veux pas porter du fruit digne de repentance, il va se servir de toi pour faire du feu. Et les autres vont bénéficier. What does that mean? Ça veut dire que Dieu a une utilité pour nous tous. Alléluia. Il ne change pas d'avis. Amen. Mais si vous ne faites pas ce qu'il te demande de faire, il va t'enlever automatiquement. Il va t'enlever et donner la place à quelqu'un d'autre. Mais ton utilité n'est pas finie. I don't know if you understand what I'm saying. Il va se servir de toi pour un autre objectif. Peut-être pas le premier objectif. Parce que les dons de Dieu sont sans repentance. Il ne change pas son avis par rapport à vous. Si vous êtes enfant de Dieu, Dieu veut t'utiliser. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne font pas la première chose que Dieu nous demande de faire. Nous ne sommes pas souvent utiles ou utilisés là où Dieu veut que nous soyons. Et il doit se contenter, si je peux utiliser le mot, à vous utiliser ailleurs. Si vous avez un don, par exemple, comme Lady Pastor a dit, tu joues à la batterie, tu joues à un instrument ou tu veux chanter, mais tu ne le fais pas, tu vas te trouver peut-être en train de vendre des CD. Et pourtant, tu chantes. Et tu chantes bien. Mais tu ne veux pas cette histoire de répéter les samedis, cette histoire de mémoriser les chants, cette histoire de changer d'uniforme, être devant les gens. Je me souviens d'une femme, elle était sud-africaine, elle chantait très bien. Elle dit, mais tu dois chanter, tu dois bénir. Elle dit, non, moi je chante pour moi. Hey, c'est ça, ok, be happy. Donc elle faisait autre chose. Vous voyez, donc il y a des gens qui sont doués. Vous avez la capacité, peut-être vous êtes très bien organisé. Jeremy me disait qu'ils ont besoin des gens à aider l'administration, mais tu ne veux pas t'engager. Dieu va trouver une autre fonction. Amen. Qui serait peut-être moins agréable. Le feu n'est pas agréable. Amen. Et tu seras dans le feu. Tu vas te demander, mais pourquoi les choses ne sont pas aussi agréables? C'est parce que tu n'exerces pas la première fonction que tu devais exercer dans la maison de Dieu. Amen. Tu n'exerces pas ce que Dieu voulait que tu exerces dans la maison. Amen. Si tu es dans un ministère, les ministères ne sont pas vraiment là, mais si tu fais quelque chose et pour toi c'est difficile, peut-être tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Amen. Peut-être c'est la raison pour laquelle, peut-être tu es basseur leader et tu sais en toi-même que ce n'est pas là où tu dois être. Parce qu'il y a des basseurs leaders qui luttent. C'est difficile. C'est difficile. Je préfère que tu viennes me dire, je ne dis pas ça, cette histoire de basseur-là, je croyais que je pouvais le faire. Mais je n'arrive pas. Ne viens pas parce que tu es paresseux. Parce que Dieu voit ça aussi. Parce que je vois beaucoup de personnes qui viendront dire, allez, pasteur, cette histoire de bassin, oui, c'est une opportunité. C'est Dieu qui voit. Amen. Mais au lieu d'établir les gens, tu sais que tu affaiblis les gens. Au lieu de bâtir, tu détruis. Amen. Je préfère que tu sois honnête et tu dis, je ne suis pas appelé pour être leader. Je serai mieux placé en tant qu'assistant. Amen. Vois d'abord votre basseur zonal. Il ne faut pas venir me voir. Il va régler le problème. Amen. Mais Dieu ne va pas accepter des arbres qui ne portent pas du fruit. Il ne va pas accepter des arbres qui occupent la place et ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Amen. Alléluia. Donc, c'est à nous de porter du fruit. Amen. De se mettre dans une position où Dieu peut nous utiliser. Là où il veut que nous soyons. Amen. Hallelujah. Are you there? Verset 10. La foule s'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire? Tu as beau parler. » On croyait être enfant d'Abraham. On croyait être sur la bonne voie. On vient pour se faire baptiser. Maintenant, tu dis, d'abord, tu nous appelles une race de vipères. Après, tu dis que nous sommes des arbres qui ne portent pas du fruit, qui sont sur le point d'être jetés au feu. Que devons donc nous faire? Hallelujah! What should we do? Quand tu poses cette question à quelqu'un, ça présuppose que la personne est peut-être plus sage que toi. Il connaît peut-être plus que toi. Amen. Il est beaucoup plus instruit, peut-être, que vous. que vous devez, il y a quelque chose que vous devez, vous pouvez apprendre de cette personne. Ce n'est pas tout le monde qui pose des questions. C'est pas tout, dans le ministère, ce n'est pas tout le monde qui pose des questions. Voilà une raison pour laquelle j'admire beaucoup les pasteurs qui viennent pour ISI. Très souvent, ce sont des pasteurs qui ont fondé leurs propres églises, des petites églises, ce sont des indépendants. Mais ils viennent pour apprendre. Ils reconnaissent qu'il y a des personnes qui sont devant eux, qui connaissent peut-être un peu plus. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Malheureusement, dans la maison de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui sait comment se soumet aux autres. Amen. Si on se soumet, ça dépend de la personne. On regarde bien d'abord. C'est qui? Tu dis que c'est qui? Mon berger, c'est qui? Non, moi, j'habite ce zone, mais le zonal, c'est qui? C'est qui? Non, moi, je ne veux pas. Donc, je vais attendre quand je vais déménager. Peut-être. Tu choisis la personne à qui tu vas te soumettre. Voilà pourquoi beaucoup de femmes, quand elles se marient, elles trouvent difficile de se soumettre. Parce que la soumission n'est pas liée à une seule personne. Vous pouvez facilement vous soumettre au pasteur. Parce que ça serait bizarre si vous étiez impoli au pasteur. Normalement. Mais zonal, ils sont trop proches de nous. Ils sont trop proches de nous. Certains d'entre vous, vous êtes plus âgés que vos zonales. Vous êtes plus grands que vos zonales. Plus costauds que vos zonales. Hein? Vous avez plus d'argent que votre zonale. Donc, cette histoire de se soumettre, accepter leurs instructions, accepter ce qu'ils ont à dire, c'est difficile. Que devons donc nous faire? Parfois, quand je reçois les gens et les questions qu'ils me posent, je me demande, mais cette question, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un mystère. Si un rêve, moi, je ne sais pas interpréter les rêves, je vous ai dit ça. Peut-être le zonal est même beaucoup plus capable. Mais, puisque c'est votre zonal, vous préférez venir au pasteur. Que devons donc nous faire? What should we do? Les gens auraient pu dire, on va demander à celui dont tu parles. Tu dis, il s'appelle comment? Jésus. Ok, on va attendre. Mais ils ont décidé de parler à la personne qui était disponible. C'est Jean le Baptiste qui était là. Ils sont venus dire, ok, donc Dieu a beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Que devons donc nous faire? Amen. Hallelujah. Apprenez à poser des questions. Amen. Aux gens qui sont sur place, disponibles. Vous serez surpris qu'ils ont des réponses à vous donner. Amen. Il leur répondit. Parfois, quand on répond, vous n'aimez pas la réponse. Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Waouh! Ça, c'est la vie chrétienne de base. Tu as deux tuniques. Ton frère n'a même pas un seul. Partage. Tu as de quoi manger. Ton frère n'a rien à manger. Partage. Le christianisme de base. Basic Christianity. Mais ce n'est pas évident. Amen. Il y a beaucoup qui ont quitté l'église parce qu'ils se disent, « Ah, j'étais dans la galère, j'étais dans les problèmes. Personne n'a voulu m'aider. » Mais la Bible dit qu'à l'époque, tout le monde, ils mettaient tous leurs biens ensemble et personne n'était dans le besoin. What a shock. Imaginez. LP, all your money in your account. Bring it. tout ce que vous avez. Amen. On va partager. Selon le besoin de chacun. Si lui, il mange 2 kilos de riz et toi, tu manges 20 grammes de riz, on va partager selon le besoin de chacun. S'il mange un poulet entier, toi, tu manges seulement les ailes, les côtes. Moi, j'aime les where there's bones. J'aime pas la cuisse. J'aime le cou. J'aime le cou, j'aime le côte. Les ailes, yes, that's what I like. I don't like the flesh. I don't like the flesh. Lady Pastor likes the flesh. Hallelujah. Amen. Donc, voilà pourquoi on peut partager. Moi, je prends les côtes, elle prend la chair. Et puis, tout le monde est content. Amen. Il y a des gens, quand ils mangent le foufou, ils aiment seulement la viande. Moi, je n'aime pas la viande. Je préfère le foufou. Donc, si tu manges avec moi et tu aimes la viande, tu seras heureux. Yeah. Tu peux me donner un gros foufou comme ça, avec une seule, un morceau de, une aile. I don't mind. But there are people. Si on ne voit pas nager la viande et le poisson, ils n'ont pas mangé. Hallelujah. Mais à l'époque, tout le monde, ils étaient prêts à partager tout ce qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, non. Si je ne te connais pas, et je ne sais pas comment je peux profiter aussi de toi. Je ne peux pas partager avec toi. Parce que si je te donne ma veste et tu ne dis pas merci, ça va me faire trop mal. Ça va me faire mal. Par exemple, je te donne ma veste et tu me vois et tu passes devant moi comme ça. Ça va me faire trop mal. Quand tu donnes, et tu as mis la veste en plus. Ce que nous devons apprendre, c'est lorsque tu fais ce qui est correct, il faut le laisser. Il ne faut pas attendre quoi que ce soit de la personne. Il ne faut pas du tout. Amen. La Bible dit que tout ce que tu fais, fais comme si tu es en train de faire ça à Dieu. Est-ce que tu attends à ce que Dieu descende pour te remercier? Non. Donc quand tu donnes, tu as donné, ça t'a quitté. Il faut laisser partir la chose. Ça ne t'appartient plus. Si tu vas chez la personne et tu vois la veste par terre parce qu'il y a de l'eau par terre, il a utilisé ça pour nettoyer. Ou, ça ne t'appartient plus. Hein? La veste que je lui ai donnée, voilà pourquoi je ne voulais pas donner. Tu sais combien ça, la veste là, ça m'échappe. J'ai acheté ça en 1975 quand j'étais à Paris. Ça a beaucoup de sentiments pour moi. Mais tu as donné. Tu l'as donné, tu l'as offert. Ça ne t'appartient plus. Tu ne peux pas contrôler la manière dont la personne utilise. Attends. Amen. Ça fait mal au cœur parce que tu tiens toujours la chose. Amen. Et on utilise souvent les choses qu'on offre, les choses qu'on donne pour manipuler les gens. Sans parler, la personne sait qu'il doit être toujours reconnaissant. Sans parler, sans dire, hey, tu dois être toujours reconnaissant pour la veste. Ok? Mais à chaque fois, si la personne fait quelque chose, il n'y a pas de problème. Tout de suite, la personne se rappelle, oh, la veste. Oh, la veste. Amen. C'est du chantage. Oui, on fait chanter tout le monde. Et souvent, on ne donne pas à ceux qui ne peuvent pas donner en retour. Non. Il faut qu'il y ait un moyen aussi de récupérer. En anglais, on dit « hand go, hand come ». Si ma main part là, il faut que ça revienne aussi avec quelque chose. Amen. Tu donnes à celui qui a peut-être... Oui, vous êtes semblable ou la personne est un peu plus élevée ou plus ou mieux placée que toi. Mais la Bible dit, donne à celui qui n'a pas. Il n'a pas. Il ne peut même pas te payer, il ne peut même pas te compenser. Recompenser. Mais donne pour que cette personne aussi a. Comment est-ce que tu sauras que la personne a besoin? Souvent, les gens ne disent rien, ils font semblant. Il faut que tu sois honnête et tu en parles. Je suis dans le besoin. Premièrement, tu te plains parce que les gens ne viennent pas en aide, mais tu as parlé avec qui? Tu as parlé avec qui? Oui, mais ma veste est déchirée. Mais comment est-ce qu'on sait que tu n'aimes pas les vestes déchirées? Peut-être c'est ta préférence, peut-être c'est la mode, peut-être c'est quelque chose que tu veux. La Bible dit, demande et tu vas recevoir, demande. Si tu ne demandes pas, si je te vois avec une chemise déchirée, et j'ai dit, oh frère, tiens, mais est-ce que je t'ai dit que j'ai besoin d'une veste? Ça c'est la dernière mode de Paris. Qui sait? Les jeans là, déchirés, c'est la mode. Moi, quand je vois quelqu'un avec les jeans déchirés, c'est swag même. Hein. Je dirais que, oh, le pauvre, il n'a pas de jeans. Oh, le pauvre, ses jeans sont déchirés. Oh, le pauvre. Mais c'est la mode. Donc, si tu ne demandes pas, comment est-ce qu'on pourra savoir? Je ne peux pas savoir que tu n'as pas mangé depuis hier. Je ne pourrais pas savoir, parce que tu es toute belle comme ça, allez, devant moi. Amen. Humilie-toi et demande. Même si je sais, je ne vais rien faire si tu ne demandes pas. Parce que Dieu, il sait tout. Mais il n'agit pas si tu ne pries pas tant que tu n'as pas prié. Il n'agit pas tant que tu ne demandes pas. Il n'agit pas tant que tu n'as pas, tu ne te mets pas sur les genoux pour supplier. Tu as besoin de quelque chose, humilie-toi et demande. Dis à Lady Pastor, ça fait mal si tu demandes et la personne ne donne pas. Ça fait mal. Parce que tu vas demander, oh Lady Pastor, là aujourd'hui là c'est grave. Dieu dit, c'est fort. Puis elle dit, sois béni. Au prions, oh, viens, je vais prier pour toi. Ça fait mal. Dieu est fidèle. Ça allait. Plus que capable. Amen. Ça fait mal. Tu as honte. Tu es découragé. Oh, tu vois, Lady Pastor, tu m'as demandé d'aller demander, regarde ce que la personne me fait. Il a dit ça à tout le monde. C'est parce que tu es orgueilleux. Yeah. Simple. Parce que si tu es dans le besoin et tout le monde sait que tu es dans le besoin, où est la honte? Si tu es if you are in your family, si tu es dans ta famille, mais c'est parce que tu ne te sens pas dans la famille. Il y a ce côté d'orgueil, ce côté d'indépendance qui est toujours là. Yeah. Imaginez à l'époque, tout le monde amène ce qu'ils ont à amener. Et si quelqu'un a besoin d'une veste, on prend, tu as quelle taille? 42, ok, tiens. Est-ce que tu peux imaginer quelqu'un courir? Pardon, ça c'est ma veste. Pourquoi tu as donné ça? Ça c'est ma veste. Mais tu as une veste, tu portes une veste. Oui, mais ça c'est ma veste préférée. Oh, you can't do that. Amen. Amen, Athéna. Hallelujah. So, apprenez à demander. Et lorsque on vous demande et vous avez, il faut donner. Amen. Amen. Be very careful. Hallelujah. Of course, si la personne n'a pas, il ne peut pas donner. Il ne va pas voler pour te donner. Sois sérieux quand même. Alléluia. Que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a deux, si tu n'as pas deux, tu ne peux pas donner. Amen. C'est vrai, Jésus dit, si quelqu'un te demande ta veste, donne-lui aussi ta maison. Si tu te demandes d'aller un kilomètre, ça c'est autre chose. Ça c'est par rapport à quelqu'un qui veut te faire du mal. Et il parle de ne pas se venger. Ok? This is about supporting the need of your brother. Amen. Deux choses différentes. Verset 12. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Des publicains, à l'époque, c'était des gens mal vus, collecteurs d'impôts, des gens corrompus. Ils sont venus pour se faire baptiser. Tout le monde veut se faire baptiser. Tout le monde se dit chrétien. Toutes les catégories de personnes. Alléluia. Mais chaque catégorie a quelque chose qu'il doit faire pour le Seigneur. Chaque catégorie a des faiblesses, des petits péchés. Alléluia. Chaque catégorie, chaque groupe de personnes a des problèmes qui, how do you say, particular to that group. Do you understand what I'm saying? Toutes les femmes ont les mêmes types de problèmes. Ok? Toutes les femmes veulent se marier. Toutes les femmes veulent avoir des enfants. Toutes les femmes à un certain âge commencent à s'inquiéter. Toutes les femmes. Ok? Nous sommes dans un groupe et nos soucis sont presque pareils. Les hommes aussi, c'est la même chose. À l'âge de 40 ans, s'ils n'ont pas d'argent, c'est la dépression. S'ils n'ont pas de maison, c'est la... whatever. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque groupe a ses problèmes en particulier. Les Ghanéens ont leurs problèmes. Les Gabonais ont leurs problèmes. Les Togolais ont leurs problèmes. Amen. Tout le monde a des choses qui les inquiètent. Alléluia. Mais pour chaque groupe, Jean a su dire ce qu'il devait faire. Amen. Peut-être dans ton groupe, toi tu ne t'inquiètes pas, tu es déjà marié, tu ne t'inquiètes pas trop pour la date de ton mariage. Peut-être. Maybe you're a bad example. Ooh. You are still in school, isn't it? Have you got a beloved? No. Ok, donc tu n'es pas vraiment concerné maintenant par le mariage. Pas vraiment. Il a hésité. Tu n'es pas sur le point de te marier. Donc les problèmes que tu as sont différents des problèmes de l'autre qui est à l'école de mariage. Je suis sûr qu'il pense à la dot. Il dit... Je prie le Seigneur qui ne me demande pas trop. Mais toi, tu ne penses pas à une dot. Non. Seulement à la Bible. Tu as besoin d'une Bible. Une nouvelle version de la Bible. Amen. Tu ne penses pas aux couleurs des filles d'honneur, demoiselles at all. Mais il y a certaines personnes qui pensent aux couleurs. Ça, c'est une préoccupation. Donc, chaque groupe a ses soucis et des problèmes en particulier. Do you understand? Yeah. Everybody has a problem. Donc, aujourd'hui, pour toi, les couleurs des robes n'est pas un souci. Donc, tu ne peux pas imaginer comment quelqu'un peut dépenser ou passer des heures à réfléchir sur les couleurs. Mais ça, tu n'as rien à faire. Tu parles toujours de couleurs, couleurs, couleurs. C'est parce que je suis préoccupée par ça. À cet instant même. Voilà pourquoi nous devons essayer de comprendre les uns les autres. Mes soucis ne sont pas tes soucis. Tes soucis ne sont pas les miens. Alléluia. Mais je dois te comprendre que tu as des soucis et pour toi, ce souci est important. Nous avons l'habitude de dire, oh, ça, tu te plains toujours de ça. Oh, pourquoi tu es toujours en train de parler de ça? Laisse tomber, ça va aller. Et tu négliges le problème de l'autre. Mais dans sa situation, c'est vraiment important. La couleur de la robe de ma demoiselle d'honneur est un problème. Si je n'ai la bonne couleur, le jour, je ne serai pas contente. Couleur? Je suis sûre que les hommes ne pensent pas aux couleurs. On dit souvent que dans le jour du mariage, le couple, c'est un couple, ils vont se marier, mais ils pensent à deux choses différentes. Parce qu'ils appartiennent à différents groupes. L'homme pense à une chose. La femme pense à autre chose. La femme pense à sa robe. Est-ce qu'elle sera belle quand elle va entrer? Est-ce que les gens vont la regarder? Est-ce qu'ils vont apprécier le look, la structure? Est-ce qu'ils vont apprécier les filles qui suivent l'entrée? Comment est-ce qu'on va marcher? C'est pied gauche ou pied droit? Et quand on va entrer, on tourne à droite ou on tourne à gauche? C'est ça qui est important pour la femme. Mais l'homme, il regarde la montre, il dit, quand est-ce que ça va finir? Ça va prendre fin quand? Pour que j'aille directement à l'objectif principal de mon mariage. Amen. La femme pense au jour et l'homme pense à la nuit. Différentes catégories. Ça ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas, l'autre est n'est pas sérieux et l'autre est plus sérieux. Non. Tout le monde appartient à un groupe différent. Ce qui est important pour toi n'est pas forcément important pour l'autre. Pour le moment, à chaque instant, essaye de comprendre ton frère. Essaye de comprendre par quoi il passe. Amen. Holy, il a fait un ami. Le jour où tu vas prêcher en anglais, tu vas te souvenir. Amen. There are different categories. Différents. Les problèmes d'un jeune couple marié est différent des problèmes d'un vieux couple marié. Un couple qui est marié depuis 10 ans doit comprendre celui qui est marié depuis un mois et deux mois et vice-versa. Tu as fait déjà un an. Waouh! Waouh! De l'expérience. Il faut comprendre celui qui n'est pas marié. Parce que tu es passé par là. It's not easy for them. Amen. Et toi qui n'es pas marié, il faut essayer de comprendre. Il y a une femme qui dit, hey, moi, je ne comprends pas les femmes mariées. Quand elles commencent à accoucher, elles se laissent aller. Les cheveux, elles parlent quand tu les vois, elles ne s'habillent plus correctement. Regarde, moi quand je vais avoir des enfants, je vais garder ma ligne, je vais garder ma forme, la structure. Ok. On prie pour toi. On prie pour toi. C'est la prière seulement. Il faut prier le Seigneur que toi, tu ne fais pas partie de ceux qui doivent porter une bouteille en plastique pour cracher dedans. Il faut prier. Tu ne peux pas être en stiletto avec une bouteille et tu craches dedans. Do you understand what I mean? Dans ta mini-jupe en stiletto avec tes brésiliennes et puis tu as une bouteille. Tu parles un peu, tu craches. Il faut prier. Faut prier. Parce que certaines personnes étaient minces avant le mariage. Je ne vais pas mentionner le nom de quelqu'un. n'ai jamais été mince, donc je n'ai pas mentionné le nom de quelqu'un. Yeah, faut prier. Faut essayer de comprendre toujours l'autre, de savoir que chaque personne a un problème particulier. Tout le monde a des situations qu'il traverse. Donc, pour ceux qui sont colériques, qui essayent de mettre tout le monde dans le même panier, ils disent non, moi j'étais étudiant, j'ai appris, moi j'ai pu combiner les études et le ministère, je ne vois pas pourquoi. Calm down. Les publicains n'ont pas les mêmes problèmes que les soldats. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Les garçons n'ont pas les mêmes problèmes que les femmes. Donc quand tu es berger et tu as des brebis, elles sont des filles, on essaye toujours de faire de sorte qu'une femme puisse suivre une autre femme parce qu'il y a une certaine compréhension. Normalement. Et elles peuvent aussi savoir quand la personne exagère. Parce que si une brebis vient dire, oh berger, chef, je n'arrive pas à me lever le matin pour prier. Surtout quand j'ai mes règles. Je n'arrive pas. Tu vas dire, oh. Mais une berger va dire, où est le problème en particulier? C'est quel problème exactement? Les douleurs. Ok, tu as pris des médicaments. Tu as pris. Tu n'as pas pris. Alors prends. Et puis c'est fini. C'est fini. Chaque catégorie de personnes a des problèmes en particulier. Et il faut essayer de comprendre. Jirai, ok. Amen. J'essaie de te comprendre. Amen. Vous voyez, j'essaie de vous comprendre. Alléluia. Yeah. Parce que je ne suis pas de votre âge, je ne sais pas ce que vous faites ces jours-ci. Et j'essaie de comprendre. Yeah. Amen. Des publicains pour être baptisés et lui dire maître. Des publicains étaient des gens importants. Mais il faut toujours reconnaître qu'il y a peut-être des gens qui connaissent mieux que toi. Il y a des gens qui sont peut-être plus ou mieux placés que toi. Alléluia. Jean-Baptiste était quelqu'un qui habitait le désert, mangeait les sauterelles et le miel sauvage. Et les publicains, c'était des gens qui avaient de l'argent. Amen. Mais ils appelaient Jean maître. Maître. Que devons-nous faire? Amen. Tu peux recevoir des instructions des gens qui sont moins âgés que toi, moins expérimentés que toi. What is the opposite of mieux placé? Moins placé. Really? Moins nanti. Hey. Que toi? Amen. Ou tu es mieux placé qu'eux? Amen. Mais tu dois t'abaisser. Te rabaisser. Abaisser. That's what I said. Rabaisser. Amen. Pour recevoir. What a shock. Amen. Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Il connaissait les problèmes de tout le monde. Vous là, vous êtes des escrocs. Vous êtes des chanteurs. Vous êtes des fraudeurs. Vous là, vous êtes Il connaissait l'état de tout le monde. Il peut vivre dans un désert. Il peut manger les sauterelles, mais ça ne veut pas dire qu'il est idiot. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît rien. Amen. Quand nous sommes éduqués, nous avons tendance à mépriser ceux qui ne sont pas éduqués. Et c'est le cas de chaque enfant qui pense mieux connaître que ses parents. Yeah. Le fait que tu as fait 2 masters et 3 doctorats ne changera pas le fait que tu es un enfant. Et l'enfant peut toujours apprendre de ses parents. Amen. Tu peux avoir plus d'argent que quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que la personne ne connaît rien. Amen. What's the man's name? The leper. Naaman, Naaman. S'il ne s'était pas humilié pour recevoir l'instruction ou un conseil de sa bonne, il serait toujours lépreux jusqu'à aujourd'hui. Amen. De sa bonne. Certains d'entre vous, vous avez grandi dans des maisons de luxe, des maisons de parents riches. Vous ne savez pas comment faire le lit. Quand tu es arrivé à Accra, que tu as appris à faire le lit. 2 jours après l'arrivée. Yeah. Mais tu peux aussi apprendre de celui qui a toujours travaillé. Quand tu serres la main de quelqu'un, tu reconnais tout de suite que cette personne n'a jamais, jamais travaillé dans sa vie. Quand tu touches la main de quelqu'un, tu sauras que cette personne, il a travaillé le champ avant de venir. Yeah. Il a frappé le ciment. Yeah. Mais tu peux toujours apprendre de celui qui est peut-être moins placé que toi, moins nanti que toi. Amen. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Allez, ne trichez pas. Ne trichez pas. Ne prenez pas de raccourcis. Quand les gens sont en train de regarder Apple, ne regardez pas Apple. Dieu n'a pas. Amen. Des soldats aussi lui demandèrent. Et nous, que devons-nous faire? Je crois qu'ils avaient peur. Hey, this man. On dit qu'il connaît beaucoup de choses. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Et nous, parce que nous, nos problèmes ne sont pas les mêmes problèmes. Nous, les soldats, qu'est-ce que nous devons faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Et ne contentez-vous, et contentez-vous de votre solde. Alléluia. Quand vous êtes dans votre groupe, vous pensez que les gens ne connaissent pas, ne savent pas ce que vous faites. Mais ils savent. Amen. Nous savons ce que vous faites. Nous savons ce que les jeunes font. Nous savons ce que chaque groupe fait. Les francophones, on sait. Les anglophones, on sait. Les jeunes, on sait. Les adolescents, nous savons. Alléluia. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous ne sommes pas comme les autres. Tu penses que personne ne sait ce que tu fais? Nous savons. Ou tu fais ce que Dieu te demande de faire, ou tu ne fais pas. Ou tu triches, ou tu ne triches pas. Tu es dans une des catégories. Tu n'es pas différente de celle qui est derrière toi. Et tu n'es pas différente de celle qui est à ta gauche. Donc si tu viens dire, et moi, Lady Pascal, qu'est-ce que je fais? Tu fais exactement ce que j'ai dit aux autres de ta catégorie. Amen. Il n'y a pas besoin de parler à tout le monde individuellement. essayer de régler les problèmes des individus. Alléluia. Tes problèmes ne sont pas différents des autres qui sont comme toi. Alléluia. Si tu luttes avec la fornication, sache que ton voisin ou ta voisine aussi lutte avec la même chose. Amen. Tu as le même problème. Si tu es tenté de voler, ton frère, il est tenté même plus que toi de voler. Amen. Si tu es tenté de tricher aux examens, l'autre aussi. Amen. Ne pensez pas que tu es tellement différent des autres. C'est ça aussi qui nous empêche parfois de poser des problèmes, des questions. On croit que notre cas est pire. Et si je parle, j'en parle à Lady Pasta, elle va me regarder différemment. Je vous ai déjà dit que j'ai entendu tout possible. Tout possible. Toi, tu n'as jamais été sous l'eau. Tu n'as jamais eu des réunions avec les sirènes sous l'eau. En tout cas, pas jusqu'à maintenant. Mais je connais quelqu'un qui a été. Elle est venue me dire. Yeah. Elle est what? Sous-marin. Yeah. Elle m'a dit. Et ce jour-là, c'était à mes débuts dans le ministère des francophones, de la francophonie. J'ai dit, quoi? Ce jour-là, je crois qu'on était ensemble peut-être 6 heures. Elle me racontait tout. C'était bouche bée. Hey! J'ai dit non. C'était une rêve. Non, Lady Pasta. Non. Je me souviens, on a commencé dans l'après-midi. Quand on a terminé, il faisait nuit. Parfois, quand elle me racontait, l'histoire me faisait peur. Hey! Mais je suis pasteur, donc je dois garder un visage. Courage. Hey! Donc, toi, ton petite histoire ne va pas me choquer. Toi, tu as bu le sang. Et alors? Pas. Tu penses que ton cas est différent des autres? Non, regarde ton voisin. Lui, c'est pire. Yeah. Donc, apprenez à vous ouvrir. Les soldats sont arrivés, les publicains, ils n'ont pas considéré leur statut dans la société, leur image. Mais ils se sont humiliés pour venir demander « Qu'est-ce que je dois faire ?» Un jeune homme qui vient me dire « Lady Pasta, j'ai honte, je me masturbe. » Je le regarde et je dis « Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas la dernière. » J'ai tellement entendu ça que c'est comme si tu me disais « Mais j'ai le... » How do you say dandruff? C'est quand les pellicules. Tu as les pellicules, tu masturbes, c'est la même chose. Je ne suis pas choquée, plus choquée dans un instant que dans l'autre. Forget. Yeah. Donc, humilie-toi et demande. Ask for help. Et dis, pasteur, j'ai commis un avortement et je saigne toujours, ça fait 3 mois. Que devons-nous faire? Que dois-je faire? On va trouver une solution. Ça ne veut pas dire que tu dois aller faire un test. Garde l'enfant, pardon, il ne faut pas enlever. Tu as déjà commis l'erreur. Amen. Do you understand? Humilie-toi et va demander. J'ai dit, pasteur, j'ai volé, on m'a attrapé. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis censé aller devant la justice dans 2 semaines. Qu'est-ce que je dois faire? Humilie-toi. Et va, viens demander. Qui sait? Peut-être je connais un policier qui pourra t'aider quelque part. Amen. Humilie-toi. Ne dis pas, je suis soldat. Mais si moi je pose des questions, les gens vont... Non. Tu ne sais pas quoi faire. Va demander. Ton cas n'est pas différent de l'autre. N'est pas différent. I'm telling you. Tu penses que je serai choquée? Je ne serai pas choquée. Même si je suis choquée, tu ne sauras pas. Hallelujah. Amen. C'est pas la première fois que j'entends des choses pareilles. Amen. Et vous serez étonné que la Bible dit que si tu confesses, amen, tu seras guéri. Amen. Il y a une certaine libération, une liberté qui vient lorsque tu te confesses ou tu partages ton fardeau avec quelqu'un. Ah, tu es soulagé. Amen. Et tu vas trouver une solution. Même si on ne peut pas trouver une solution immédiatement, on peut prier ensemble. Alléluia. Humilie-toi et va poser la question à la personne qui est sur place. On va toujours voir le roi. Le roi n'est pas disponible. Tu vas garder ton problème jusqu'à ta mort. Non, Jean-Baptiste est là. Tu attends Jésus. Jean-Baptiste est là. Amen. Dis, ne commettez ni extorsion ni fraude. Je te connais. Je sais que toi, là, c'est extorsion et fraude. Ne fais plus ça, ok? Ok. Et contente-toi de votre solde. Ton solde. Amen. Yeah. Je sais que les soldats, ils aiment l'argent. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. La police qui demande deux Ghana. Ça date depuis. Depuis. Il dit, ah, le policier Ghana, il demande toujours. Ce n'est pas nouveau. Voilà pourquoi je te dis, hein, tu crois que ton problème est nouveau. Ce n'est pas nouveau. Pas nouveau. Il y a quelqu'un juste dans la zone qui fait pire. Yeah. Amen. Donc, ouvre-toi. Parle à quelqu'un. Mais, pardon, il ne faut pas parler à n'importe qui. Et trouve une solution pour ton problème. Alléluia. Amen. Lève-toi ou levez-vous. Alléluia. Amen. Let us pray. Prions. Prions le Seigneur. Remercier Dieu pour ces moments, pour sa parole. Si tu t'es identifié dans le message, parle à Dieu, Seigneur. Montre-moi la personne à qui je dois me confier. Seigneur, rends-moi humble. Je veux m'humilier, Seigneur, pour pouvoir parler à quelqu'un. Ce problème me trouble depuis. Je ne sais pas comment discuter avec quelqu'un. Mais je sais que ma liberté, ma solution sera en parlant avec quelqu'un. Seigneur, merci pour cette parole. Merci, Seigneur, de m'avoir encouragé ce matin. Parle à Dieu ce matin, mon frère, ma sœur. Parle avec ton Dieu. Il veut entendre ta voix. Il veut trouver une solution pour toi. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Aide-moi, Seigneur, à faire confiance. Aide-moi, Seigneur, à m'ouvrir. Je veux savoir ce que tu penses. Je veux savoir ce qu'il faut faire. Montre-moi, Seigneur, à qui parler. Seigneur, merci, merci. Merci pour ces moments. Délivre-moi, Seigneur, de l'orgueil, de vouloir toujours me cacher, de vouloir toujours me préserver, préserver une image qui ne te plaît pas. Seigneur, merci. Merci pour un changement. Merci, merci Seigneur pour la maturité au nom de Jésus. Alléluia. Je veux prier pour toi ce matin si tu es là et tu ne connais pas le Seigneur personnellement. Tu n'as jamais pris la décision de lui donner ton cœur, de lui ouvrir ton cœur et de lui donner ta vie. Aujourd'hui, tu veux dire, Lady Pastor, prie pour moi. Je vois que j'ai besoin de Dieu et je crois que j'ai besoin d'accepter le Seigneur ce matin. Je ne veux pas mourir et aller en enfer sans connaître le Seigneur, sans recevoir le salut. Aujourd'hui, c'est ma journée. Je veux prendre une décision. Je reconnais que je suis pécheur. Je veux que Dieu me pardonne. Si tu es là comme ça, mon frère, je veux prier pour toi. Lève seulement la main droite. Tu veux prier ce matin. Tu veux dire, Lady Pasta, je ne veux pas mourir et aller en enfer. Je veux accepter Jésus-Christ aujourd'hui. Je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Je veux qu'il me pardonne de tous mes péchés. Je veux naître de nouveau. Lève seulement la main. N'hésite pas. Ne réfléchis pas trop. Dis seulement que le Seigneur m'a parlé et je dois l'inviter dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Lève la main. Je veux voir la main levée. Tu veux accepter Jésus-Christ? Y a-t-il quelqu'un? S'il y a quelqu'un, je veux prier pour toi, je ne te vois pas. Est-ce que tu peux venir vers moi? Tu peux venir devant. Mon frère, ma soeur, viens. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi, mon frère. Ne force personne, ne force personne. Don't force anybody to come. Entre tes mains. Alléluia. J'abandonne. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui? Viens devant, mon frère, toi aussi. Tu dois venir. Y a-t-il encore quelqu'un? Alléluia. Prions ensemble, s'il vous plaît, répétez. S'il te plaît, répète cette prière après moi. Je vais demander à tout le monde aussi de fermer les yeux. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci de m'avoir parlé aujourd'hui. Je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je suis pécheur. Je te demande pardon. S'il te plaît, lave mes péchés. Lave-moi de mes péchés. S'il te plaît, lave-moi de tous mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je prends une décision de renoncer à tout ce qui me retient dans ce monde et de m'accrocher à toi. Lave-moi par ton sang précieux. Pardonne mes péchés. Seigneur Jésus, fais de moi ce que tu voudras. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre et je vais te servir. Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Aujourd'hui, je prends une décision. Et pour le reste de ma vie, je vais servir mon Dieu. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir accepté tel que je suis. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci pour le salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Félicitations.